Amb els millors desitjos de pau, de felicitat i d'amor per al proper any, Hola la Music us convida a viure un programa de música nadalenca cantada en francès. Això és Hola la Music, el programa presentat i dirigit per Rafael Corbí, amb música francesa. Començarem el nostre programa amb música en directe des d'un especial de Nadal, Concert de Noel, publicat el 2003 per Bruno Pelletier, Quan els homes viuran d'amor. Mais nous nous serons morts, mon frère, quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre, les soldats seront troubadours, mais nous nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère. Nous qui aurons un mauvais jour dans la haine et puis dans la guerre. La paix, chercher l'amour, qu'ils connaîtront alors, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait de meilleur temps, il faut toujours quelques perdants, de la sagesse, ici-bas c'est le prix. S'endormir ce soir. Père Noël s'est mis en route. Ce sont traîneaux chargés de jouets et de cadeaux. Et le petit le guette et ils écoutent la ronde folle des rêves dans le ciel. Oh, et moi, pour vous, je fais ce simple vœu qu'on échange depuis l'enfant Dieu. Jeunes et moins jeunes, soyez tous très heureux. Joyeux, joyeux Noël. Des mots de velours. et ils ont pour palais tout un univers dans les courants d'air des vastes cités. Les enfants oubliés traînent dans les rues, tout comme de petits vieux. Ils ont froid, ils ont faim, ils sont presque nus, mais ce sont les enfants de Dieu. Així hem escoltat aquestes cançons d'en Bruno Pelletier que ens acompanyaven el dia d'avui, el Bon Nadal, els infants oblidats i aquestes cançons fabuloses que ens portava a través del nostre programa. Hem començat aquest especial de Nadal amb la seva música, amb aquest concert de Noel del cantant quebequès Bruno Pelletier, nascut el 7 d'agost de 1962, un suburbi del Quebec al Canadà. Escoltem una darrera cançó d'aquest àlbum. Sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver, bois éguerrés sont dépouillés de leurs attraits. Mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta part. La música no només ha de ser per gent gran, sinó que pot ser música infantil, cantada de qualsevol manera, i per això avui la Norma, la nostra col·laboradora també habitual amb cançons en francès, amb recomanacions que ens envia, ens parla de tres cançons que donen un esperit nadalenc. Cançons infantils de Nadal en lletra molt bonica, en lletra molt maca, que ens acosten a l'Astabó, al petit Papa Noel, Vive le Vent. Són aquestes algunes de les cançons que avui us volíem oferir també a través del nostre espai i dirigides a tothom, perquè en el cor de la mainada és on es troba el millor per aquest Nadal. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, boule de neige et jour de l'an, et bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël, aux mille bougies, qu'on chante vers le ciel les cloches de la nuit. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui rapporte aux vieux enfants leurs souvenirs d'hiver. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent, qui siffle dans les branches, lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, boule de neige et jour de l'an, et bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël, aux mille bougies, qu'on chante vers le ciel les cloches de la nuit. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui rapporte aux vieux enfants leurs souvenirs d'hiver. Et le vieux monsieur descend vers le village, c'est l'heure où tout est sage et l'ombre danse au coin du feu. Mais dans chaque maison, il flotte un air de fête, partout la table est prête et l'on entend la même chanson. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, boule de neige et jour de l'an, et bonne année grand-mère. L'as-tu vu, l'as-tu vu, vu, ce petit bonhomme, ce petit bonhomme. L'as-tu vu, l'as-tu vu, vu, ce petit bonhomme au capuchon pointu. Il s'appelle Père Noël, par la cheminée, par la cheminée. Il s'appelle Père Noël, par la cheminée, il descendra du ciel. L'as-tu vu, vu, l'as-tu vu, vu, ce petit bonhomme, ce petit bonhomme. L'as-tu vu, vu, l'as-tu vu, vu, ce petit bonhomme au capuchon pointu. Il apporte des joujoux, il en a plein sa hotte, il en a plein sa hotte. Il apporte des joujoux, il en a plein sa hotte et il connaît ton nom. L'as-tu vu, vu, l'as-tu vu, vu, ce petit bonhomme, non, ce petit bonhomme, non. L'as-tu vu, vu, l'as-tu vu, vu, ce petit bonhomme au capuchon pointu. Il s'appelle Père Noël, par la cheminée, il s'appelle Père Noël, par la cheminée, il descendra du ciel. L'as-tu vu, vu, l'as-tu vu, vu, ce petit bonhomme, non, ce petit bonhomme, non. L'as-tu vu, vu, l'as-tu vu, vu, ce petit bonhomme au capuchon pointu. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin, évite les bombes qui mènent vers de calmes jardins. Ha col·laborat amb nosaltres la Norma aquesta setmana passant-nos aquestes tres cançons, aquest d'En Vive l'Avance, la versió en francès del Jingle Bells amb Tina Rossi, però també la música de Fremont, Associés, i aquest d'En Kids United amb Tout le Bonheur du Monde, que ens acompanyava amb aquest duet que ens conduïen, a més amb la Inaya. De la música de Bruno Pelletier, el cantant quebequès que hem escoltat en primer moment, sentim a Frank Michel, que ens portarà tres cançons també prou conegudes de Nadal, entre elles el White Christmas, però també el És nascut l'Enfant Diví o el Sivini Noel, que també és una de les tres que escoltarem d'aquest personatge. Voici le traîneau du Père Noël. Dans le vent, on peut entendre ses clochettes. Et il va traverser tout le ciel pour porter des cadeaux en ce jour de fête. Voici qu'est venu le temps béni, des sapins couverts de neige et de la crèche, et des souliers dans la cheminée. C'est la nuit de tous les enfants sages. Vive les bonhommes de neige, vive l'hiver et son cortège, son manteau blanc et le vent qui s'en va chantant. Et vive les marrons glacés, les boules, les guirlandes dorées, vive la nuit où le divin enfant est né. Voici venir minuit, car c'est l'heure

chantaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Son logement pour un dieu, quel abaissement. Michel ens ha acompanyat amb aquestes tres cançons. Després d'ell, el protagonista serà l'Àngel Rodríguez, que ens conduirà una de les seves presentacions, com sempre, i recomanacions dins el nostre programa d'Hola la Music, avui, òbviament, d'una manera molt més nadalenca. Endavant, Àngel! Santa nit en català, noche de paz en castellà i Santa nuit en francès. Amics i amigues del Hola la Music, amic Rafel, aquesta és la Nadala més popular del món. És una composició senzilla, però molt sensible. Es coneixen més d'un centenar de traduccions de la lletra. L'original és alemana, cantada per primer cop a Àustria, al poble d'Obendorf, el 24 de desembre de 1818. El més lloable d'aquesta Nadala és que el 24 de desembre de 1914 les tropes de l'Imperi Alemany, separades de l'Imperi Britànic per les seves respectives trinxeres i en el decurs de la Primera Guerra Mundial la van cantar. Era en el decurs de l'anomenada treva de Nadal, quan aquestes tropes, les britàniques i les alemanes, varen decidir doncs fer una parada en la guerra per celebrar el Nadal. I saps quina cançó varen cantar? Els alemanys i els britànics separats d'un costat a l'altre per les trinxeres? Doncs aquesta, Santa nit. És realment una cosa tendra, no? No va servir per res perquè l'endemà doncs varen seguir lluitant. Però bé, aquesta és la història d'aquesta Nadala, Santa nit en la treva de Nadal de la Primera Guerra Mundial. Nosaltres l'escoltarem per la cantant canadenca Annie Blanchard, nascuda l'any 1977. L'escoltem aquí al Santa nit amb Annie Blanchard. Esperem que us agradi. Oh, bell. danger apparaît. Esteu escoltant Ulala Music. Són dues cançons amb aquest especial de Nadal d'Ulala Music a càrrec de les Chaussettes Noirs amb la Twist du Père Noël i Noël de France. Il en aura la barbe blanche qui frémira. Il sera tellement étonné qu'il en restera bouche bée. J'ai un cadeau pour le Père Noël, un beau cadeau pour le Père Noël. Je vais vous dire ce que c'est les amis. Une guitare qui fait beaucoup de bruit. Et nous jouerons ensemble du twist toute la nuit. Go! Il sera tellement étonné qu'il en restera bouche. Acabem d'escoltar aquesta proposta musical de les Chansons Noirs i dins de taula la Musique amb aquest espai que us portem el dia d'avui, una recta final que compartirem amb gent variada que ens han posat al llarg dels anys en diverses cançons i diversos projectes musicals. Des d'un recopilatori que ens diu que ells canten Nadal, diferent gent, el 1989 juntaven en cançons d'altres temps. Com per exemple el pioner del rock and roll a França, el rocker més famós d'aquell país, en Johnny Hallyday, amb aquest Noël Interdit. Tous ceux qui n'y ont jamais cru. C'est un Noël pour les chiens sans collier, pour ce gosse de la rue que j'étais. Noël de ma vie, j'aurais tant aimé croire à l'histoire, mais mon cœur d'enfant était déjà trop grand et mes rêves emportés par le vent. C'est un Noël pour mes premiers oublié au hasard des mauvais chemins. Une chanson pour ceux dont l'horizon et le mur sombre et gris des prisons. Noël de la nuit, mon Noël interdit, je voudrais l'oublier avec toi. El següent artista convidat és Luis Mariano, amb aquesta cançó que també ens recorda les bones coses del Nadal. Estem a l'especial de Nadal del nostre programa, això és Olala Music, però amb un programa dedicat a la música de Noel, a la música del Nadal. Aquesta és una de les cançons que la quebequesa, al principi hem començat amb el quebec i ara hi continuem per acabar el nostre programa, Celine Dion, ens ha portat al llarg dels anys. Molt bones cançons amb una de les veus més dolces i agradables de la història de la música. Mais depuis la nuit même, il a aussi un secret. À son nounours qu'il aime, il murmure si tu savais. Moi, j'ai vu petite maman hier soir en train d'embrasser le père. Sous le guide rêve, le vire d'allure céleste, suivre très digne les routes célestes. Devant ces ébats, plus de reine resta Baba. On l'appelait Nez Rouge, ah oh, comme il était mignon. Le pire est nos nez rouges, rouge comme l'humilion. Maintenant qu'il entraîne son chat à travers les cieux, c'est lui le roi des reines. Hem escoltat la música de la Celine Dion, aquesta extraordinària cantant, però s'ha de reconèixer que era molt jove, era el 1981 quan editava aquest àlbum del qual estem repassant, Celine Dion Chante Noël, canta el Nadal. I nosaltres ens acomidem ja perquè arribem al final del nostre programa i ho fem amb una darrera cançó de la Celine. Serà el Gloria Aleluia. Aquesta cançó ens acompanya també per posar punt i final amb aquest especial nadalenca Olala Music. Hem arribat al Quebec i marxem amb el Quebec. A tots i a totes, bon Nadal i feliç any nou.